famille de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'activité du cerveau, l'intelligence humaine, est-elle une matière première ? Oui, si l'on en croyait les producteurs de la série consacrée aux matières premières sur France Culture en 1980, dont le sujet du dernier volet était la matière grise. Que l'intelligence s'exploite et s'exporte aussi bien que le bois, le pétrole ou le coton, autorise-t-il à la considérer comme une matière première comme une autre ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'intelligence ? Comment se produit-elle et comment s'exploite-t-elle ? Des questions sur lesquelles se penchait dans cette émission un haut fonctionnaire de l'UNESCO, Jacques Richardson, l'historien Daniel Janger, le philosophe Claude Capellier, l'économiste Jean Fourastier et le professeur Rémi Chauvin, l'entomologiste, également célèbre pour s'être intéressé de près au paranormal, à la vie après la mort et aux ovnis. Communauté des radios publiques de langue française, l'épopée des matières premières, dixième et dernier épisode, La matière grise, une émission diffusée la première fois, le 29 août 1980, sur France Culture. Communauté radiophonique des programmes de langue française, l'épopée des matières premières. Une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorère. Aujourd'hui, la matière grise. Été 1979, information parue dans la presse. La direction de la Mecque, s'il vous plaît. En rentrant en Iran par avion après 13 ans d'exil, l'ayatollah Khomeini avait posé cette question à l'hôtesse de l'air. Comme lui, au moment de prier, des milliers de musulmans cherchent la Mecque. La réponse est arrivée de Rome. Deux ingénieurs italiens ont en effet inventé la boussole qui donne la direction de la Mecque à partir de n'importe quel point du globe. L'idée nous est venue il y a un an lors d'un voyage dans les pays arabes, expliquent les frères Gabrio et Stefano Bini, inventeurs de la boussole musulmane. Le travail des deux frères italiens consiste à trouver des idées, ils ont fondé un bureau d'études, puis à les exploiter commercialement. Comme le marché islamique représente 700 millions de fidèles, ils ont consacré un an à étudier la boussole qui pourrait en permanence indiquer la Mecque. Un homme d'affaires hollandais, M. Tom Volk, a acheté les droits de commercialisation pour les pays arabes. Et il a lancé une version économique de la boussole en matière plastique pour quelques dollars, mais à 1 million d'exemplaires. Eh bien, il y a certainement des gens qui ont plus jugé que les autres, comme de juste. Mais vous savez que ça a été institutionnalisé en Amérique, dans les rangs de la Rand Corporation et d'un certain nombre d'autres institutions qui fabriquent des idées. C'est tout ce qu'elles ont à vendre. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, on leur pose un problème, elles tournent autour, elles exposent une série de scénarios permettant d'arriver à tel ou tel résultat, ou au contraire, des scénarios suivant lesquels tel ou tel danger qu'on craint peut arriver ou ne pas arriver. On a mis, par exemple, la contribution à la Rand Corporation pour les histoires de guerre éventuelle, qui devient d'ailleurs, hélas, de moins en moins éventuelle, mais enfin, ça, c'est une autre question. Ils ont déterminé toute une série de scénarios qui étaient plus ou moins probables. Ils cherchent à en chiffrer la probabilité et ils cherchent surtout à générer des idées. Alors ça, c'est un art. C'est un art d'une énorme difficulté. Et on a essayé dans l'industrie, par exemple, de fabriquer des idées avec le brainstorming. On l'a appelé le pompe-cervelle aussi, ou encore l'épuise-ménage. Enfin, c'est des termes qui sont encore plus rigolos que le brainstorming. Et dans le brainstorming, vous mettez toute une série de bourres autour d'une table et vous leur demandez, à propos d'une question qu'on leur pose, de sortir tout ce qui leur passe par la tête. Ça donne des résultats absolument hétéroclites, mais il est très rare qu'après une séance de, je ne sais pas moi, une demi-heure ou une heure, il n'y ait pas une ou deux idées à retenir parmi tout un déluge d'inepties. Les Américains ont pris là-dessus une technique tout à fait singulière. Ils ont demandé à 1500 ou 1800 personnes de l'industrie chimique quels étaient ceux d'entre eux dans la profession qui étaient réputés pour avoir beaucoup d'idées. Et il y a eu une sorte de vote en quelque sorte, et ils en ont dégagé comme cela, si je ne me trompe, une vingtaine. Or, vous savez, dans n'importe quelle profession, pour convenir que le collègue a des idées, il faut vraiment qu'il en ait des idées, parce qu'on n'aime pas tellement ça. Alors, ils sont allés interviewer les bourgs qui avaient été ainsi désignés. Ils ont trouvé simplement que les personnes pleines d'idées avaient une biographie assez curieuse, avaient des traits de comportement qui ne sont pas tout à fait courants. Par exemple, il était très indépendant, ben ça on le sait, très vite dégagé de l'emprise des parents, ça n'étonnera personne, très anticonformiste, c'est tout à fait banal aussi, et ils avaient un trait qui était très général et tout à fait bizarre, vraiment. Ils avaient tous au moins une fréquentation totalement en dehors de leur classe sociale. Par exemple, l'un de ces messieurs, qui était un très grand PDG d'une très grosse entreprise, avait comme copain, mais vraiment comme copain de cœur, un vieux balayeur nègre, que personne ne comprenait. Il prétendait que ce balayeur nègre en avait beaucoup plus dans la tête qu'un tas de collègues et que l'un de ses ingénieurs, en citant des noms. Alors c'est l'originalité un peu démentielle de ses créateurs. Le poids moyen du cerveau est chez l'homme de 1100 grammes et chez la femme de 1000 grammes. Sa consistance est plutôt molle, sa couleur blanchâtre. Le cerveau antérieur est divisé en deux parties symétriques, les hémisphères, séparées par une scissure profonde, la scissure interhémisphérique. Est-ce qu'il est possible de donner une définition de l'intelligence ? Le problème est plutôt qu'on pourrait difficilement n'en donner qu'une, à moins de tomber dans des généralités telles qu'aucune précision supplémentaire n'en émanerait par rapport aux usages courants du mot. Par exemple, l'intelligence est la capacité d'établir des rapports entre des objets, des phénomènes, des représentations ou des concepts, ou encore l'intelligence est la faculté de s'adapter à des situations nouvelles, etc. Évidemment, l'intelligence est une notion bien plus ancienne que les études entreprises sur elle, et si elle est plus vague, elle est aussi plus large que celle-ci. C'est un genre de la palissade qui ne nécessite pas beaucoup d'intelligence pour être formulée, mais qui pose quand même un problème. Et ce problème, c'est le suivant. Alors que, par exemple, à l'autre extrême, la psychologie et la psychiatrie ont complètement reconstruit le point de vue ancien sur la folie pour proposer une approche plus rigoureuse des phénomènes désignés par ce vocable, tout se passe comme si, au contraire, lorsqu'ils abordent l'intelligence, les théoriciens craignaient d'être déshonorés si leurs travaux les conduisaient à reformuler une conception de l'intelligence vraiment différente de celle que colporte la tradition. C'est-à-dire, en gros, premièrement, une aptitude diverse et syncrétique à la compréhension, deuxièmement, une faculté d'établir des rapports, en général, et troisièmement, une quantité ou un degré auquel un individu est capable d'exercer cette faculté. Si bien qu'on n'arrive même plus à distinguer clairement une faculté intellectuelle de la qualité qu'on reconnaît à un sujet qu'on juge empiriquement intelligent. Ceci étant dit, on peut quand même essayer de caractériser la spécificité de l'intelligence humaine par rapport à celle des animaux et en particulier par rapport à celle des mammifères. On attribue souvent une fonction symbolique aux humains, fonction symbolique qui leur serait spécifique. Mais que dire alors des animaux qui, par exemple, reconnaissent la couleur ou la forme des boîtes dans lesquelles ils trouvent leur pâté ? Que dire même du chien de Pavlov qui salive en entendant la sonnette qui d'habitude précède la venue de sa nourriture ? On dira évidemment qu'il s'agit d'un processus behavioriste dans lequel des stimuli répétés, provoquant des réponses positives, en l'occurrence la venue de la nourriture après la sonnerie, provoquent une espèce de montage réflexe. Mais quelle est la différence alors avec tout un tas de symboles qui sont couramment utilisés par les humains, qui ne sont pas forcément des symboles linguistiques d'ailleurs, mais qui peuvent être aussi bien des symboles gestuels ou visuels? Quelle est même, à la limite, la différence avec ce qui arrive lorsque un gastronome, lisant une revue gastronomique, se met à saliver? Il y a une anecdote encore plus curieuse qui pourrait nous porter à penser que la différence entre les animaux et les humains n'est pas tellement du point de vue d'une fonction symbolique. Vous savez que Conrad Lorenz a élevé une oie depuis sa naissance, et un jour, cette oie, effrayée par un événement quelconque, revient du jardin, rentre dans la maison à toute vitesse, et essaye de prendre l'escalier pour monter au premier étage. Mais en bas de l'escalier, il y avait une glace, un miroir. Elle voit son reflet dans le miroir, elle est un peu affolée, elle court vers son reflet, puis s'apercevant qui ne s'agit que d'un reflet, en tout cas de quelque chose qu'elle avait déjà eu l'habitude de voir, achève son détour et monte au premier étage. Ensuite, Loi, parce que Conrad Lorenz explique comme étant un réflexe traumatique, continuait, chaque fois qu'elle montait au premier étage, à faire un détour, de plus en plus petit et de plus en plus symbolique, entre guillemets. Cependant, une autre fois, de nouveau effrayée, Loi arrive en bas de l'escalier et monte directement, cette fois, sans faire de détour. Et puis, au milieu de sa montée, comme prise de panique, elle redescend, fait le détour et monte enfin au premier étage. Alors là, ça pose un problème parce que finalement, Conrad Lorenz, lui, repliquant le vieux schéma behavioriste, tente d'expliquer qu'il s'agit là d'un réflexe, mais le dernier aspect de sa description peut nous en faire douter, étant donné qu'on voit mal comment quelqu'un ou quelque chose, ou même un animal, pourrait redescendre pour accomplir un réflexe, faire un réflexe à retardement en quelque sorte. On voit donc que dans ce cas-là, il y aurait même une sorte d'acte et d'angoisse symbolique, peut-être même d'ailleurs de symbolique inconsciente de la part de Loi. Quoi qu'il en soit, la différence la plus visible et la plus nette entre l'intelligence des humains et l'intelligence des mammifères ou des animaux se situerait plutôt à deux niveaux. D'une part, la capacité combinatoire, propre aux humains, et d'autre part, la capacité d'articuler des niveaux hiérarchisés de réflexion, qui elle aussi est propre aux humains. En ce qui concerne la combinatoire, c'est ce qui nous permet de lier entre eux des symboles de telle façon que ces rapports établis puissent fournir ou produire d'autres symboles, bientôt sans plus aucune correspondance directe avec le réel. En ce qui concerne la capacité de articuler des niveaux de réflexion hiérarchisés, on peut donner des exemples. Il est évident qu'en mathématiques, par exemple, lorsque, à l'occasion d'un travail sur des classes ou des ensembles, on fait des ensembles d'ensembles ou des classes de classes, on voit qu'il y a un retour de la réflexion sur elle-même, un retour de l'ensemble, de la notion d'ensemble sur elle-même, qui suppose qu'on maintienne une hiérarchisation entre le premier niveau, les ensembles, et puis un deuxième niveau, les ensembles de l'ensemble. La première mention écrite du rôle du cerveau se trouve dans un papyrus égyptien daté de 1700 avant Jésus-Christ. On y a découvert mention du fait que les blessures à la tête pouvaient provoquer la claudication et la cécité. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate écrit « Les hommes devraient savoir que du cerveau et du cerveau seul naissent nos plaisirs, nos joies, nos rires, nos plaisanteries, aussi bien que nos chagrins, nos douleurs, nos peines et nos larmes. » Au siècle suivant, Aristote s'oppose à cette idée. Il affirme que le cerveau n'a rien à faire avec les sensations et l'intelligence. Pour lui, le cerveau est un organe froid et humide dont la seule fonction consiste à refroidir le sang du corps lorsqu'il devient trop chaud. L'âme, la sensibilité, l'intelligence se trouvent uniquement dans le cœur ou dans le sang qu'il contient. C'est là que se trouve la sensation, l'imagination et la mémoire. Pourtant, des contemporains d'Aristote, Érophilé de Chalcédoine et Érastrate de Chéos, décrivent le cerveau après dissection. Leurs idées sont précisées par Galien au 2e siècle après Jésus-Christ et deviennent la doctrine officielle de l'Église pendant 13 siècles, le cerveau est le réceptacle de l'âme. Pour nous, il paraissait naturel que l'âme résidât dans le corps de l'encéphale par qui se traduit le raisonnement et se conserve le souvenir des images sensibles. Au Moyen Âge, on ne réalise aucun progrès dans la connaissance du cerveau. Théologiens, philosophes et médecins ne font que répéter les conceptions et la doctrine de Galien. Au XVIe siècle, Léonard de Vinci est le premier à reproduire fidèlement un cerveau humain. Pour la première fois, un scientifique décrit la forme réelle des ventricules du cerveau en s'aidant d'injections de cire pratiquées lors de dissections. Au siècle suivant, l'anatomie du cerveau continue de se perfectionner. Au XIXe siècle, de magnifiques lithographies en couleur reproduisent très exactement les circonvolutions cérébrales. Vers 1850, commence l'étude microscopique de l'encéphale. Au cours des années 1860, Paul Broca, chirurgien français, localise la région qui commande le langage après avoir remarqué, à l'issue d'autopsie, des lésions situées toujours aux mêmes endroits chez des malades atteints de troubles de la parole. Puis, deux médecins allemands firent sur des chiens une expérience capitale. Ils avaient remarqué, lors de la guerre prusso-danoise, que les muscles des soldats blessés à la tête se contracter si l'on touchait accidentellement leur cerveau en les soignant. Ils travaillèrent ensuite sur des chiens en leur insérant des fils électriques dans le cerveau. Ils remarquèrent que, suivant l'endroit où l'on effectuait la décharge, on pouvait faire remuer les membres du chien ou faire contracter les muscles de sa tête. Aujourd'hui, une exploration de plus d'un siècle a permis de dresser la carte détaillée de nombreuses régions comportementales du cerveau. Mais tous les mystères de cette merveilleuse machine ne sont pas encore entièrement connus. Est-ce qu'on peut considérer que la matière grise est une matière première et est-ce qu'on peut considérer que cette matière première est rare à la surface de la planète ? A priori, cette matière grise n'est pas rare. Elle est, au contraire, parfaitement bien distribuée à travers toutes les nations, à travers tous les continents, à travers tous les peuples. Chaque homme a un cerveau avec, disons, 12 milliards de neurones. Biologiquement, ces cerveaux, bien sûr, ne sont pas identiques d'un homme à l'autre, mais si vous prenez des grands nombres d'hommes, nous n'avons aucun moyen, n'est-ce pas, de déceler des différences. Par conséquent, contrairement au pétrole, ou contrairement au nickel, ou contrairement au cuivre, on peut dire que la matière grise est parfaitement distribuée entre tous les hommes, qu'elle l'est d'une manière parfaitement égale, au moins entre tous les peuples. Mais il semble pourtant que dans certains pays, dans certains types d'économies, on ait plus utilisé cette matière première, cette matière grise, que dans d'autres. Oui, on peut surtout dire ça si l'on spécifie l'utilisation que l'on fait. Parce que si vous dites, par exemple, tel peuple utilise davantage son cerveau que tel autre, moi je ne vois pas très bien qu'on puisse comparer ces utilisations globales du cerveau. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que tel peuple utilise son cerveau davantage à vivre d'une vie sentimentale, ou d'une vie affective, ou d'une vie artistique, ou d'une vie spirituelle, et que tel autre peuple l'utilise davantage alors à des actions matérielles, ou à des actions économiques, ou à ce qu'on appelle enfin le progrès économique, à élever le niveau de vie. Alors voyez, je ne crois pas qu'on puisse dire par exemple qu'un moine du Moyen-Âge dans son couvent utilisait moins son cerveau, n'est-ce pas, que un chef d'entreprise d'aujourd'hui qui construit des automobiles ou des machines à laver. Mais il l'utilise d'une manière tout à fait différente. Et ce qui est rare aujourd'hui à l'échelle planétaire, et ce qui fait la différence entre les pays sous-développés et les pays développés, c'est que dans les pays développés, nous avons alors un grand nombre de cerveaux qui sont utilisés d'une manière courante, naturelle, on peut presque en venir à dire spontanée, tandis que dans les pays sous-développés, la plupart des cerveaux vivent encore comme vivaient nos ancêtres, c'est-à-dire dans un climat beaucoup plus affective, beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus riche de certaines sensations, mais sans justement, étant occupé ainsi, le cerveau n'est pas occupé à fabriquer des machines à laver, vous voyez. Mais est-ce que le développement économique de l'Occident n'implique pas, justement pour ces pays en voie de développement, d'utiliser leur matière grise d'une manière comparable à ce qui s'est passé en Occident ? Et sans doute, n'est-ce pas ? C'est très clair. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux à la fois. Si vraiment on veut élever le niveau de vie ici, on veut donner des baignoires, des automobiles, des postes de télévision à tous les citoyens. Il faut bien qu'on les fabrique, ces objets-là. Et si on occupe son activité à produire ces objets-là, si ça devient un objectif fondamental de la vie, eh bien, alors, il faut que le cerveau vienne à être occupé par ça. Nous n'avons pas deux cerveaux ou 10 cerveaux, un qui pourrait vivre de la vie du contemplatif, n'est-ce pas, un autre qui serait avant tout un artiste, un créateur d'images émotionnelles, un autre qui passerait sa vie uniquement à aimer les femmes, enfin, à avoir des sentiments et à avoir des passions. Et puis un autre qui serait du type Citroën, n'est-ce pas, ou du type Ford. Ben non, qu'est-ce que vous voulez ? Les gens n'ont qu'une vie et ils n'ont qu'un cerveau. et il le spécialise. Alors c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une rareté de matière grise, parce que dans certains pays, on ne trouve pas de cerveau qui soit formé aux disciplines et aux aptitudes de progrès technique, n'est-ce pas, et de progrès économique. Est-ce que vous avez l'impression que l'école, en général, l'enseignement, arrive à former cette matière grise, cette matière première fondamentale ? La première remarque que je fais, c'est que c'est certainement très lent. Parce que, justement, depuis la fin de la guerre, au moins, l'école, dans beaucoup de pays, est descendue jusqu'à l'échelon des masses, n'est-ce pas ? Et que, dans l'ensemble, elle n'a pas beaucoup changé les comportements de base. Finalement, la matière grise apte au progrès économique reste très rare. Dans les pays, peu développés, l'école est restée, si je puis dire, très littéraire, très poétique. Enfin, les valeurs traditionnelles de sentiment, de sensibilité sont restées très fortes. On n'est pas arrivé, dans la plupart des pays du tiers-monde, à créer des mentalités scientifiques et des mentalités économiques. Dans une de ses lettres, Léonard de Vinci vante ses qualités intellectuelles auprès du prince Forza. Je sais comment chasser l'eau des fossés et faire diverses échelles d'escalade et autres instruments semblables. Je puis aussi faire une sorte de canon, facile à transporter, qui lance des matières inflammables. Je puis construire des voitures couvertes, sûres et indestructibles. En temps de paix, je crois que je puis égaler n'importe qui en architecture. Je puis exécuter de la sculpture en marbre, bronze, terre cuite. En peinture, je puis faire ce que fait un autre, quel qu'il puisse être. Quel est le cas d'exemple de chasse au cerveau le plus important, le plus achevé de l'histoire de l'humanité ? L'exemple le plus célèbre étant celui de la mission américaine Alsos, créée en 1943 et qui avait pour mission de capturer les savants et les techniciens allemands. Cette mission Alsos, dirigée par un colonel de l'armée américaine et par un savant hollandais qui s'appelait Goudsmit, un savant, un physicien nucléaire, avait donc plusieurs buts. D'une part, évaluer ce qu'avaient fait les Allemands. D'autre part, affaiblir son potentiel scientifique en soustrayant donc des savants et d'éviter que les Anglais ou les Russes puissent, après la guerre, mettre la main sur le potentiel allemand. Les soldats et les officiers de cette mission Alsos avaient un uniforme spécial et en particulier un insigne, un alpha blanc, traversé d'un éclair rouge. Alors, les membres de la mission Alsos ont suivi ou quelquefois même ont précédé les unités américaines qui progressait à partir de la Normandie vers Paris, puis vers l'Allemagne. En février 1945, la mission Alsos capture un certain nombre de très importants savants atomistes allemands en Forêt-Noire, dans le centre de recherche de Hechingen. C'est là en particulier que sont arrêtés Weizsäcker et le célèbre Otto Hahn, qui avait découvert la fission de l'atome en 1939 et dont les travaux auraient permis à Hitler de faire construire une bombe atomique. La mission Alsos, suivant les troupes américaines, découvre pas très loin de l'Elbe, donc dans la partie qui devait être la partie de l'Allemagne réservée aux soviétiques, et la mission Alsos découvre, près du camp de concentration de Nordhausen, un gigantesque ensemble d'usines de construction de V2, éventuel vecteur de la bombe atomique. D'ailleurs, au début du mois de mai 1945, la mission américaine capture une partie de l'équipe des savants de Peenemünde, en particulier le général Dornberger et surtout Werner von Braun, dont les travaux permettront de conquérir la Lune. Il faut dire que les soviétiques, eux aussi, ont participé, mais très en retard, à cette chasse au cerveau. En particulier, ils ont réussi à capturer environ 5000 savants et techniciens, en particulier ceux qui travaillaient à Nordhausen. Et les soviétiques, à la fin de l'année 1945, transféreront en URSS le matériel de Nordhausen et aussi ses 5000 savants et techniciens. Il y a eu une autre mission de chasse au cerveau américaine, c'est la mission Overcast, c'est-à-dire la mission obscurcissement. Cette mission a été très courte, elle consistait à capturer avant le 1er juillet 1945 les principaux savants qui se trouvaient dans la zone que devaient occuper les soviétiques. Et cette mission a permis aux Américains de récupérer, entre guillemets, 115 savants de grande renommée, en particulier des spécialistes des avions et des avions supersoniques, des spécialistes des alliages spéciaux, etc. Est-ce que on assiste à une évolution dans l'exode des cerveaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Je crois que oui. Elle était peut-être caractérisée au début, c'est-à-dire il y a 20 ou 25 ans, par le fait que c'était un mouvement, un déplacement, marqué surtout par les mouvements entre les pays dits industrialisés. C'est-à-dire des Français partaient pour l'Amérique du Nord. Il y avait beaucoup de personnes victimes de guerre, par exemple, qui se trouvaient dans des nouvelles conditions où ils devaient se rétablir sur le plan culturel, sur le plan linguistique. Mais tout ça fait partie du passé maintenant. Et je crois que maintenant, si on peut parler d'un exode ou d'une fuite même de la matière grise, c'est un phénomène qui se produit surtout entre les pays du tiers-monde et les pays industrialisés. Et cette fuite des cerveaux des pays en voie de développement vers les pays industrialisés touche quel type d'intellectuel, quel type de scientifique? Eh bien, dans l'expérience de l'UNESCO, je crois que nous avons remarqué que c'est un phénomène qui se produit surtout dans les disciplines des sciences naturelles et exactes, dans les disciplines des sciences de l'ingénieur, bien sûr en médecine, mais qui ne concerne pas tellement l'UNESCO que l'OMS, une autre agence spécialisée des Nations Unies, dans le monde de l'enseignement et dans le monde industriel. C'est-à-dire tous les secteurs sont concernés? Surtout les secteurs dans lesquels les gens ont dû subir une certaine longueur de formation, si vous voulez. Les architectes, par exemple, sont des gens qui doivent passer entre 5 et 6 ans après avoir passé le bac. Et donc, ça représente un certain investissement pour l'éducation nationale. Et une fois qu'une personne de ce type a été perdue à la société d'un pays qui n'est pas très favorisé sur le plan matériel, bien sûr, ça représente une perte sèche pour cette société et son économie. Et cet exode doit finir par avoir des conséquences assez catastrophiques. Catastrophique, c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais disons que certainement les conséquences sont sensibles. Et pour les pays qui doivent investir des crédits pour la formation, disons, d'un physicien ou même d'un informaticien, c'est une perte qui est considérable parce que souvent, dans ces pays, il y a une certaine couche de la société qui a été formée, une couche qui est souvent minime, si on pourrait la chiffrer. Et donc, s'il y a une fuite d'un biologiste ou d'un médecin, il devient très difficile et coûteux pour le remplacer. Comment est-ce qu'on fait pour le remplacer? Parce qu'il faut le remplacer. Eh bien, il y a de drôles de phénomènes qui se produisent. Par exemple, si vous prenez le cas des médecins indiens et pakistanais qui se déplacent vers la Grande-Bretagne, comme est souvent le cas, pour remplacer à leur propre tour les médecins britanniques qui ont passé au Canada, aux États-Unis ou en Australie, les Pakistanais et les Indiens se trouvent remplacés par des gens qui viennent du Bangladesh, qui représente à son tour une perte sociale, socio-économique pour ce pays, un des plus pauvres au monde à propos. Et eux-mêmes sont remplacés graduellement par des médecins ou d'autres spécialistes venant d'un pays voisin comme la Birmanie, par exemple. Aussi un pays assez pauvre. Et ce cas qui est propre à l'Asie et peut également se produire en Afrique ou dans d'autres pays? Oui, bien sûr. Les mouvements provenant d'Afrique, vous le savez beaucoup mieux que moi, ce sont des mouvements qui se dirigent, qui sont destinés à alimenter, si je peux me servir du verbe, les sociétés du vieux continent ici. Parallèlement, en provenance de l'Amérique latine, ce sont des déplacements qui se dirigent vers l'hémisphère du Nord, c'est-à-dire vers les États-Unis, vers le Canada, souvent le Mexique. Mais avec cet exode, pourrait-on dire par ricochet, il reste des pays qui finissent par être complètement coincés. Oui, ça c'est certainement le cas. Je crois qu'on pourrait dire que c'est le cas pour les 30 pays les plus pauvres au monde et beaucoup plus largement pour le groupe dit des 77. Ça c'est un groupement des pays qui font partie effectivement de ce que nous appelons le tiers-monde. Les pays non industrialisés, moins favorisés en ressources naturelles et leur exploitation, et par conséquent souvent moins favorisés dans l'évolution de leurs ressources humaines. Et quelles mesures peuvent prendre ces gouvernements par rapport à ce problème ? Souvent, unilatéralement, ils peuvent contrôler ou stopper ces déplacements. Ce sont souvent des actions très arbitraires, c'est le règlement interne qui contrôle l'immigration. Mais beaucoup plus souvent et d'une façon beaucoup plus positive, je crois, en collaboration avec l'UNESCO et les autres institutions spécialisées des Nations Unies, on peut stimuler les gens à vouloir rester chez eux un peu, si je peux me permettre de parler de cette façon. C'est un peu brutal peut-être, mais dans le cas des physiciens, je peux vous citer le centre de Trieste, où il y a eu depuis 1964, je crois, entre 6 et 7 000 physiciens et mathématiciens-physiciens qui sont venus de à peu près une centaine de pays, mais surtout des pays les plus pauvres, beaucoup de pays très très pauvres. Je vous cite le cas du Ghana, par exemple, comme l'un d'eux, où les gens qui ont déjà commencé une carrière de chercheur ou de professeur sont en toute liberté de venir faire une visite, un stage, un séjour à Trieste qui pourrait durer un mois ou un an. Et après, ils ont tout intérêt à rentrer chez eux parce que souvent ce stage implique pour eux une promotion ou peut-être un poste dans un autre centre, même un peu plus important dans leur pays. Et ils ont ensuite la possibilité de revenir à Trieste deux fois dans les 5 ans à venir afin de garder le contact avec leurs analogues venant d'un peu partout dans le monde. Et vous savez que dans le monde scientifique, il est très important de rester en contact continu avec ces analogues par les contacts personnels, par le biais des conférences spécialisées, par les communications scientifiques et bien sûr par correspondance. Mais les scientifiques qui se portent volontaires pour Trieste sont déjà motivés pour rester dans leur pays? Oui, souvent. C'est plutôt le cas, exactement. Ce sont des gens qui ont un intérêt personnel, comme ils sont enseignants, de former la génération à suivre et qui veulent plutôt que ceci fasse partie du patrimoine actuel du pays au lieu de voir les jeunes s'évader et ne jamais revenir dans leur propre pays. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un médecin indien ou bien un médecin du Bangladesh à s'installer en Grande-Bretagne ou un mathématicien du Sénégal à s'installer en France ? Ben, je crois qu'il y a plusieurs motivations. Il y a certainement le côté matériel qui y figure, c'est-à-dire que les prestations sont beaucoup plus importantes et donc intéressantes dans les pays industrialisés. Il y a une motivation intellectuelle, parce que souvent l'ambiance de travail, les conditions, les équipements, le matériel de laboratoire sont beaucoup plus importants. Il y a, disons, un laisser-faire aussi dans les grandes sociétés qui souvent n'existent pas dans les pays en voie de développement où ils sont en train de se casser la tête afin de créer ce qu'on appelle la masse critique nécessaire pour que leur discipline soit bien établie et puisse s'épanouir après. Il y a des motivations souvent politiques qui sont bien connues. Alors, je crois qu'on peut dire que c'est vraiment un mélange de toutes sortes d'attractions qui réussissent à attirer ces gens qui veulent se déplacer. Un mélange de raisons matérielles et de raisons intellectuelles. C'est cela. Ces scientifiques, ces intellectuels qui s'installent dans les pays développés, est-ce qu'on a une idée de leur nombre? Est-ce qu'on a quelques statistiques? Oui, je pense qu'on pourrait vous chiffrer ça d'une façon peut-être pas tout à fait satisfaisante parce que la statistique provient de chacun des pays membres de cette organisation et des autres agences des Nations Unies. Mais Je crois que tout d'abord, on ne devrait pas exagérer le pourcentage que ça représente, parce qu'il y a aussi des barrières. Il faut parler des barrières, qui sont largement culturelles. Il y a tout d'abord le problème de la langue. Souvent, une personne ne parlant pas l'anglais, mais ne connaissant que l'espagnol ou le portugais au Brésil, est découragée d'emblée d'essayer de se déplacer parce qu'il voit qu'il y a un obstacle évident. Il y a aussi souvent des problèmes d'adaptation. Dans le nouveau milieu socio-culturel, il y a certainement des gens qui se déplacent avec toute intention d'immigrer, mais qui reviennent chez eux parce qu'ils ne sont pas tout à fait chez eux. Ils ne sont pas dans leur peau. Je crois qu'un pourcentage de 10% serait le maximum dans presque n'importe quel domaine ou discipline des spécialistes qui veulent se déplacer afin de se rétablir dans une société souvent tout à fait étrangère à celle qu'ils ont connue. Donc, je dis qu'il est important de ne pas donner un ordre d'importance qui serait faux. Mais quand même, si vous traduisez les coûts de l'éducation nationale en investissement capital, parce que c'est un investissement pour un pays de former la prochaine génération, une perte sèche de 10% représente une perte considérable. Surtout où la masse critique dont on avait parlé il y a quelques minutes n'est pas encore très importante dans le pays. Et ça, c'est souvent le cas dans les techniques, dans le monde de l'ingénieur, dans le monde des techniciens supérieurs qui manquent beaucoup dans les pays en voie de développement actuellement, et bien sûr dans les sciences naturelles. Mais vous dites donc que cet exode concerne à peu près 10% dans chaque discipline. C'est variable. Par exemple, je dirais qu'en informatique, le chiffre pourrait être même plus élevé que ça. Disons entre 10 et jusqu'à 20-25%. Parce que le monde de l'information, de l'informatique, est en pleine évolution et même en pleine révolution actuellement, avec l'avènement du microprocesseur surtout. Dans d'autres disciplines, surtout les disciplines qui sont plus ou moins hautement abstraites, parlons des philosophes par exemple, dans les sciences sociales, je crois qu'on trouverait qu'il y a un déplacement absolument minime dans une discipline de ce genre. Et peut-être dans certaines autres sous-spécialités où il n'y a pas une attraction liée au monde industriel. Mais là encore, vous chiffrez ça est tellement difficile parce que jusqu'à présent, ce sont les chiffres qui nous manquent. Et il n'y a pas eu une appréciation dans la plupart des pays en voie de développement de ce que représentent ces déplacements pour la seule et unique raison qu'il n'existe pas de système de statistiques. Conférence de la CNUSED, Manille, mai 1979. Manille, AFP. Un accord est intervenu le 24 mai sur l'exode des cerveaux, qui prévoit notamment la mise à l'étude d'un fonds international constitué sous l'égide des Nations Unies pour compenser le préjudice subi par les pays démunis du fait de l'émigration de leur main-d'œuvre qualifiée vers les pays industrialisés. Mais on déclare déjà, dans certaines délégations occidentales, que les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, principaux pays d'accueil des cerveaux immigrés, s'opposeront par tous les moyens à la création de ce fonds dont ils supporteraient en grande partie la charge. En mai 1979, à Manille, la CNUSED s'est penchée sur ce problème, a justement dénoncé la responsabilité des pays industrialisés, des pays développés. Est-ce que c'est vraiment la première fois que ce problème arrive au niveau international? Il a été discuté à Genève en 1963, à l'occasion de la grande conférence des Nations Unies sur les applications des sciences et des techniques au développement. Mais sans sans grand résultat, disons. Et comme vous dites, à Mani, on a abordé cette question d'une façon assez définitive, avec une supplication même provenant des pays en voie de développement, qui demande qu'on fasse quelque chose sur le plan international pour rationaliser ce genre de mouvement de démigration et d'immigration. Ceci a été abordé de nouveau sous forme de résolution votée, ou approuvée plutôt, à l'occasion de la conférence dernièrement terminée à Vienne sur les sciences et les techniques au service du développement. Je crois que nous croyons ici à l'UNESCO que, avec peut-être un petit effort financier supplémentaire pendant les années 80, et je pense que ça va venir, que les institutions et les systèmes existants, comme le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD comme on l'appelle, si on pouvait doubler, par exemple, les crédits disponibles à ce programme, on pourrait faire une contribution réelle à encourager les pays les plus dépourvus à mieux former, mieux enseigner et donc mieux assurer que le produit de cet effort, de cet enseignement, sera disponible au pays lui-même après que la personne, les jeunes, auront terminé leur période d'enseignement. Mais ceci reste à voir. Il y a toujours le côté matériel dont nous avons déjà parlé, qui est une très grande attraction, surtout dans un pays pauvre. Mais il va falloir qu'on fasse un effort beaucoup plus important dans la décennie à venir, qui sera la troisième décennie du développement des Nations Unies à propos, pour assurer que les ressources humaines disponibles dans un pays y restent autant que possible. Et est-ce qu'il y a des pays développés qui sont conscients de ce problème et qui font un effort, ne serait-ce que financier? Oui, vous n'avez qu'à prendre le cas des pays de l'Europe occidentale depuis 2-3 ans, qui sont devenus très conscients de la condition, du statut, de la présence même des travailleurs qui ne sont pas d'origine de ces pays, sans les nommer. Est-ce que ces travailleurs intellectuels originaires du tiers-monde ne rentrent pas justement en compétition avec des intellectuels du pays même dans C'est des... juste, et à une époque où le chômage est tellement aigu, dans les pays industrialisés, ça a même créé une certaine amertume de la part des gens qui habitent ces pays, qui ne veulent pas supporter ce genre de concurrence professionnelle. Finalement, la crise dans les pays développés risque de favoriser le maintien dans les pays en voie de développement des intellectuels. Oui, de ce point de vue-là, malheureusement, il faut dire que c'est une actualité de nos jours. On peut donc penser que dans les années qui viennent, l'exode des cerveaux des pays en voie de développement vers les pays développés va cesser de la même façon que le drainage de l'Europe vers les États-Unis s'est arrêté. Oui, s'atténuer peut-être, je ne dirais pas cesser, parce qu'après tout, dans les pays dits démocratiques, tout le monde a le droit de faire un peu ce qu'il veut, même se déplacer vers un autre pays. Mais je pense qu'il y aura une stabilisation quelconque, un peu comme vous la prévoyez, dans les 10 ans à venir. L'immigration des diplômés du tiers-monde, un exemple, l'exode des cerveaux vers le Canada. Article de Canada d'aujourd'hui, avril 1979. Parmi les immigrants du tiers-monde, le Canada reçoit nombre de diplômés, ingénieurs, chercheurs, enseignants, médecins, cadres supérieurs, techniciens, etc. La proportion des diplômés est même plus forte chez les immigrants venus du tiers-monde que chez les immigrants venus de l'ensemble des autres pays, puisqu'elle s'établissait en 1962 à environ 33%, alors qu'elle n'était que de 21% pour l'ensemble des immigrants destinés au marché du travail. Elle est actuellement de l'ordre de 25%, alors que, pour les immigrants d'autres origines, elle se situe autour de 18%. Si l'on se tourne vers l'avenir, il ne semble pas, compte tenu de l'écart qui subsistera longtemps encore entre le niveau de vie des pays développés et celui des pays en voie de développement, ainsi que du grand nombre des chômeurs dans ces derniers, que l'immigration au Canada des personnes en provenance du tiers-monde soit destinée à se ralentir. Il est donc probable, même si le niveau total de l'immigration varie, que les immigrants venus des pays en voie de développement continueront d'en constituer une proportion appréciable. En émigrant au Canada, le diplômé issu d'un pays du tiers-monde bénéficie d'avantages financiers importants que les inconvénients liés à la migration, en particulier les problèmes que peuvent poser à l'immigrant l'adaptation à une nouvelle culture et à un climat très différent du sien, n'annulent pas. D'ailleurs, le taux de retour au pays natal des diplômés en provenance des pays en voie de développement est le plus faible de tous les groupes d'immigrants et le nombre des personnes qui souhaitent émigrer de ces pays vers le Canada continue de s'accroître. Même si des motivations non financières, comme la liberté politique dans le pays de destination, sont parfois la cause de l'immigration, il apparaît bien que le principal facteur est la motivation économique. 58% des immigrants du tiers-monde la donnent en tout cas comme raison principale de leur décision. Nous étions en cours de mathématiques. Notre taré de professeur m'importunait depuis 3 belles heures avec ses équations, lorsque la voici qui se trompe, qui hennit en ricanant de toutes ses grandes gencives roses, déclarant pour nous en mettre plein la vue. Erreur de ma part, cela nous donnerait une équation du second degré et vous ne connaissez pas la formule des résolutions. J'ai regardé mes congénères qui bavaient l'air abruti. Je déteste les Américains. Et j'ai dit, on peut essayer de la trouver cette formule. En plus des gencives, elle nous a montré tout son pharynx et ses sacs pulmonaires, tellement elle a ri. « Allez-y, a-t-elle dit, trouvez-moi ça et je vous offre le champagne. » Elle appelle ça un trait d'esprit. Toutes les autres minus m'ont regardé et moi j'ai commencé à m'emberlificoter dans les symboles et, au bout d'un moment, j'ai trouvé un fil comme le bout qui dépasse d'un nœud compliqué. On tire dessus et tout se défait d'un coup. J'ai dit alors, « X égale B plus racine carrée de B2 moins 4AC sur 2A. » Elle s'est assise, la chère Miss Flanagan, comme si elle avait une crise de foie instantanée et j'ai cru qu'elle allait vomir sur le bureau. Elle a jauni comme 10 000 automnes et elle a dit, « Montrez-moi votre classeur, Lorraine. » Je lui ai passé mon brouillon et elle m'a regardé comme si j'étais Frankenstein et je lui ai dit « Ce que je préfère, c'est un magnum de Dom Pérignon, cuvée 1969. » Là, elle s'est mise à ressembler à un tas repoussant de confitures de pommes et elle a gémi. « Il faut absolument que votre mère vienne me voir. » Et lorsque maman est venue, elle lui a prêté ce traité sur les enfants surdoués. Je l'ai lu en cachette et je sais maintenant que je ne suis pas très normale. Extrait de « E égale MC2, mon amour » de Patrick Covin. Est-ce qu'on peut accorder une certaine crédibilité aux tests désirant mesurer ce qu'on appelle le quotient intellectuel ? Les tests ne prétendent avoir, et n'ont en général, qu'une pure valeur statistique, consistant à déceler la présence, ou non, de ce que la coutume appelle l'intelligence et son degré chez des sujets. Il ne s'agit donc pas de trouver une nouvelle définition de l'intelligence ou de mieux comprendre l'intelligence, il s'agit simplement de trouver des méthodes statistiques qui, encore une fois, permettent de déceler la présence de l'intelligence au sens commun du terme, chez des sujets donnés. Il faut comprendre que les questions, d'une part, qui sont posées dans ces tests, les items, comme on dit, ont été sélectionnées par les expérimentateurs de façon générale complètement empirique, les expérimentateurs n'étant guidés que par l'idée commune qu'ils se faisaient de l'intelligence. Ils cherchent des questions qui, à leur avis, ont trait à l'intelligence. Puis ensuite, ils les testent sur des groupes témoins, et si ces questions s'avèrent discriminatives dans des limites raisonnables, ils les conservent comme étant effectivement capables de distinguer l'intelligence d'un sujet, ou d'aider à distinguer l'intelligence d'un sujet, et si ces questions sont ou trop discriminatives ou pas assez, elles sont éliminées. C'est donc par des méthodes purement extérieures et statistiques qu'on sélectionne les questions. Par contre, si ces critiques contre les tests peuvent difficilement être trop violemment soutenues contre eux, il reste un problème important qui est celui de l'aspect culturel que testent les tests, si je peux m'exprimer comme ça. À ce sujet, on doit faire plusieurs remarques. La première, c'est qu'en effet, un certain nombre de questions qui sont posées, en particulier dans des tests relativement anciens, comme le Binet-Simon, même révisé en 66 par Zazo, posent des questions dont le caractère culturel est absolument évident. Je veux dire qu'on pose des questions qui supposent des connaissances éventuellement géographiques ou des connaissances sur les habitudes morales de milieux donnés ou des connaissances sur des phénomènes politiques ou sociaux d'ordre divers. Bon, si on élimine cet aspect qui est évidemment facile à critiquer et qui d'ailleurs de plus en plus tend à disparaître des nouvelles versions des tests, il reste une question qui est beaucoup plus fondamentale. Que se passe-t-il en effet lorsque nous avons affaire à des exercices qui, apparemment, ne demandent aucune compétence linguistique particulière, sinon la capacité de parler, et aucune connaissance préalable particulière, comme par exemple les exercices de logique permettant de réaliser un certain nombre de figures, ou bien encore exercices consistant à compléter des séries de nombres selon un certain ordre ou selon une certaine loi. Apparemment, des exercices de ce genre sont des exercices de pure logique ou de pure intelligence, autant qu'on puisse savoir ce qu'est l'intelligence, voire ce qui a été dit tout à l'heure. Cependant, on constate que certains groupes de population répondent mieux à ces questions que d'autres. En particulier, les classes favorisées répondent statistiquement mieux à ces questions que les classes défavorisées. Et aussi, et ça a été l'objet de nombreuses polémiques, les Noirs d'Amérique du Nord répondent statistiquement moins bien à ces questions que les Blancs d'Amérique. Ça a été utilisé pour défendre une certaine forme de racisme concernant les capacités intellectuelles respectives des races blanches et des races noires, voire même une certaine forme de ségrégation sociale naturelle, entre guillemets, les tests tendant à prouver, selon certains, que, en effet, les classes défavorisées méritent de l'être, en quelque sorte, parce qu'elles seraient moins intelligentes, globalement, que les classes favorisées. En fait, la question est plus complexe que celle-là, car on s'aperçoit que si un test de ce genre ne demande pas apparemment de connaissances culturelles particulières, par contre, certaines classes, effectivement les classes favorisées, ou certaines populations, par exemple les Blancs par rapport aux Noirs en Amérique, sont plus favorisées vis-à-vis de ces tests, en ce sens qu'ils y ont été préparés. Je veux dire que la discussion de salon, la discussion à travers un certain nombre de mots abstraits, concepts abstraits, situations artificielles, rencontre de gens de milieux divers et plus ou moins bien connus, prépare l'enfant à utiliser sa raison dans un sens qui ne correspond pas directement à sa pratique et à ses intérêts immédiats. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, d'enfants qui vivent dans des milieux plus resserrés sur eux-mêmes, d'enfants qui utilisent un langage ou ont des échanges verbaux essentiellement axés sur les actes et les actions concrètes. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que ces enfants sont incapables de raisonnement abstrait, mais ça veut dire qu'ils ne les emploient pas dans le même contexte. On peut donner à ce sujet un exemple. Un sociologue américain qui s'appelle William Leboff a essayé de faire des expériences sur les compétences linguistiques des enfants des ghettos noirs. Et dans un premier temps, il avait eu l'idée de faire simplement des entretiens informels avec les enfants de Harlem. Et il s'était aperçu qu'en fait, le résultat de ces conversations était extrêmement pauvre. Il s'était dit qu'après tout, c'était peut-être parce que lui-même n'était pas noir et que les enfants se sentaient une distance vis-à-vis de quelqu'un qui arrivait un peu comme un étranger dans ce ghetto. Il a donc envoyé un ami à lui qui était noir et dont les résultats n'ont pas été meilleurs. Et puis finalement, l'idée leur est venue que peut-être cet ami de Leboff était peut-être noir en effet, mais qu'il était un universitaire et qu'il avait donc le langage des universitaires. Et l'idée a donc été retenue d'envoyer une troisième personne qui, cette fois, pourrait parler avec ses enfants le langage de ses enfants. Quelqu'un qui aurait vécu dans ces ghettos et pour qui cette forme de langage n'aurait pas de secret. Et en effet, on a un compte-rendu des conversations obtenues de cette manière qui sont d'une richesse extrême. Les enfants commencent par parler de matchs de boxe et puis, petit à petit, à propos du match de boxe, font un certain nombre de réflexions et finalement redécouvrent l'épreuve de l'existence de Dieu telle que Descartes les avait trouvées, sauf que, naturellement, ils emploient d'autres termes et une syntaxe qui n'est pas standard par rapport aux normes de l'anglais. C'est-à-dire que finalement, bien que la compétence linguistique soit d'un ordre différent de celle des milieux bourgeois ou petits bourgeois d'Amérique, bien que les formes d'expression soient en général d'aspect plus concret ou d'aspect plus métaphorique, néanmoins, les raisonnements logiques ou la capacité de raisonnement logique et intellectuel, elle, est tout à fait présente. Cependant, les tests, eux, étant formulés dans un anglais standard ou dans un français standard, étant aussi axés sur ou des abstractions qui sont formulées sous la forme culturelle habituelle et non pas sous forme métaphorique, il est évident que ces enfants sont tout à fait désarçonnés devant une réalité intellectuelle qui n'est pas plus difficile que celle qu'ils sont capables de produire, mais qui est exprimée de façon très différente et présentée à un niveau très différent. On dit parfois qu'on n'utilise que 10 à 20% de nos capacités intellectuelles. Est-ce que ça vous semble correspondre à une quelconque réalité ou une phrase un peu facile pour représenter un problème qui existe ou qui n'existe pas? Non, je crois que effectivement, n'est-ce pas, l'homme utilise une fraction très faible, par exemple, de ses neurones, n'est-ce pas? Nous avons 12 milliards de neurones et il est très probable que une fraction très importante de ces neurones ne serve jamais. Et donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de doute, il y a un sous-emploi du cerveau. Mais inversement, je ne vois pas très bien comment on pourrait l'employer en totalité, justement à cause de cette fameuse unicité de l'idée claire. Je dis souvent, n'est-ce pas, le cerveau est comparable à un immense palais, n'est-ce pas, dans lequel il y aurait un seul visiteur. Et quand nous sommes dans une pièce du palais, eh bien, nous ne sommes pas dans les autres. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas tellement qu'il y ait beaucoup de pièces du palais où nous ne soyons jamais allés, si je puis dire, ou plus exactement dans lesquelles notre pensée claire n'est jamais allée. D'autant qu'il faut bien voir que quand nous sommes dans une pièce du palais, nous ne pouvons réellement voir, percevoir, enfin ressentir qu'un meuble à la fois de cette pièce. Et puis, bon, si je regarde ce fauteuil, eh bien, ça redevient immédiatement la même chose. Qu'est-ce que je vais voir dans ce fauteuil? Est-ce que ça va être la menuiserie? Est-ce que ça va être la tapisserie? Est-ce que ça va être, enfin, le confort qu'on peut avoir quand on y est? Ou au contraire, enfin, le décor qu'il présente? Enfin, bon, tout ça est à l'infini. Et par conséquent, nous ne percevons finalement, n'est-ce pas, qu'une part infime de ce que nous pouvons percevoir. Et c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, qu'on peut dire que le cerveau est largement sous-employé, mais il ne peut pas l'être beaucoup plus, sinon par un entraînement qui nous permet de percevoir plus vite, ou bien les surdoués qui, manifestement, peuvent percevoir plus de choses en un temps donné. Mais c'est toujours une part infime de ce qu'il faudrait percevoir pour être vraiment, enfin, un être vivant, conscient de sa situation et de sa réalité. Est-ce qu'il vous semble que le cerveau, la matière grise, a encore des mystères importants non élucidés par les biologistes ou par les savants? Ah oui, c'est certain. Vous savez, moi je ne suis pas un spécialiste de la neurobiologie, mais enfin, elle est en pleine évolution. Depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, nous avons appris énormément de choses sur le cerveau. On ne savait rien sur le cerveau il y a 20 ans. Et aujourd'hui, tout de même, on sait énormément de choses, n'est-ce pas? Mais on s'aperçoit que c'est horriblement compliqué. Et que justement, bon, il y a 12 milliards de neurones, mais bon, c'est déjà dire beaucoup de choses, dire ça. 12 milliards, c'est quand même beaucoup. Et ils ont des relations entre eux, n'est-ce pas, ces neurones. Mais justement, quelles relations ont-ils? Combien de neurones peuvent être accouplés ensemble pour une opération et puis découplés, puis recouplés avec d'autres? Enfin, bon, alors il y a des messagers, il y a des informations qui passent de l'une à l'autre. Et tout ça est en pleine découverte. Enfin, on trouve sans cesse de nouvelles matières chimiques, électroniques, et qui permettent la communication, n'est-ce pas, entre les neurones, et qui permettent à partir d'un neurone d'en appeler d'autres. Enfin, mais ça, il y a énormément de choses encore à découvrir. Communauté radiophonique des programmes de langue française. Dernière émission de la suite consacrée par Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram à l'épopée des matières premières, c'était la matière grise. Avec la participation de Rémi Chauvin, professeur à l'Institut René Descartes, Jean Fourastier, membre de l'Institut, Claude Capellier, philosophe, professeur de psychopédagogie, Daniel Janger, historien, et Jacques Richardson, haut fonctionnaire international à l'UNESCO. Montage, Micheline Noël. Réalisation, Olivier Dorère. Cette émission a été diffusée la première fois le 29 août 1980 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.